Il est 18h07 et quelques poussières. Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Et justement, nous allons parler des goûts, plus précisément des préférences alimentaires. Alors, d'où viennent ces préférences? Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de génétique? Alors, nous allons en parler avec Benjamin Alès, notre docteur en épidémiologie nutritionnelle. Bonjour, Benjamin. Bonjour, François. Donc oui, je vais vous parler des préférences alimentaires et des goûts qui en fait se développent très tôt, dès la petite enfance. Donc on a déjà observé tous le comportement alimentaire des très jeunes enfants dans notre entourage. Vous avez peut-être vu que parfois les enfants rejettent spontanément certains aliments même quand ils sont tout petits. Et on a parfois du mal à trouver des explications à ceci. Donc le développement des préférences alimentaires dès l'enfance, en fait c'est intéressant car c'est un déterminant majeur des comportements alimentaires chez l'adulte. Donc ces comportements alimentaires qui, comme on le sait, influencent bien sûr la santé. Donc les chercheurs en nutrition, ils ont décidé d'essayer de mieux comprendre les facteurs qui induisent des préférences alimentaires chez les jeunes enfants. Et il y a notamment une étude qui a mis en avant récemment que les préférences alimentaires des enfants seraient influencées par l'environnement alimentaire, c'est-à-dire ce que les parents offrent à manger à leurs enfants, mais aussi par des facteurs génétiques qui sont plus complexes. Mais d'où vient cette hypothèse à l'effet que la génétique, en fait, de l'effet de la génétique sur les choix alimentaires, Benjamin? Alors, les chercheurs sont partis du constat que dans une même famille, par exemple, deux frères ou sœurs dont les parents offrent le même type d'aliments ont parfois des goûts différents. Mmh. En fait, certains parents, ils comprennent pas pourquoi leur premier enfant ne supporte pas le moindre légume dans son assiette, alors que leur deuxième enfant mange de tout sans faire d'histoire. Donc, une des raisons qui pourrait expliquer cela serait la génétique. Donc, les chercheurs ont pu déterminer qu'il semblait bien exister des gènes qui étaient reliés au goût, et plus particulièrement pour certains goûts. Donc, il faut juste rappeler qu'on a quatre grands goûts qui sont sucré, salé, amer et acide, et un cinquième goût qui a été identifié plus récemment, qui est l'umami, qui est donc la saveur associée aux aliments plutôt de type asiatique. Donc, parmi ces goûts, l'amer, le sucré et l'umami étaient des saveurs qui étaient reliées à certains facteurs génétiques. Donc il y a aussi un autre facteur qui semblait être influencé par la génétique, c'est la sensibilité au gras. Donc, qui n'est pas un goût, mais en tout cas un facteur qui peut être influencé aussi. Donc dans cette étude dont je vais vous parler sur l'environnement et la génétique, les chercheurs ont décidé de s'intéresser pas au goût, mais plus généralement à certains types d'aliments. Ils ont étudié en fait les préférences alimentaires parmi en fait une grosse cohorte, un grand groupe de familles en Angleterre. Donc 1343 familles, ce qui représente un échantillon vraiment important pour ce type d'étude. En fait, c'est assez c'est la première étude sur un aussi grand échantillon. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interrogé les parents sur les préférences de leurs enfants sur 84 aliments. Et en fait, ils ont relevé pour ces aliments les fréquences à laquelle les parents offraient aussi les offraient aux enfants. D'accord. Ils ont juste regroupé en fait après ces aliments par grands groupes alimentaires pour pouvoir les étudier. Mais quel est l'intérêt en fait de mener une étude sur les jumeaux? En fait, je suppose que c'est pour une question de génétique. Ben en fait, en épidémiologie nutritionnelle, en effet, on peut utiliser ce type d'étude pour mesurer s'il y a un effet additionnel de la génétique sur un comportement alimentaire. Car les jumeaux, ils ont la totalité ou au moins la moitié de leur génome en commun. Donc ça, c'est la totalité du génome en commun, c'est lorsqu'on a des vrais jumeaux. Des jumeaux identiques, voilà, c'est ça. Donc des jumeaux monozygotes. Puis on dit aussi, il y a ce qu'on appelle les faux, entre guillemets, jumeaux, qui ne sont pas identiques, qui vont être dizygotes en termes biologiques, issus de deux œufs différents. Donc on peut comparer les résultats entre des vrais et des paires de vrais et de faux jumeaux, et évaluer si statistiquement le fait d'avoir le même génome influence ou non une préférence alimentaire. Donc, par exemple, si deux vrais jumeaux détestent le même aliment, il y a des outils statistiques en épidémiologie qui permettent de confirmer que c'est le résultat d'un effet additionnel du patrimoine génétique en plus de l'offre alimentaire proposée par les parents. Okay. Donc, c'est la méthode qu'ont employée les chercheurs dans l'étude et ils ont découvert que la génétique semblait avoir une influence seulement sur certains groupes alimentaires. Okay. Donc, les groupes qui étaient influencés, c'était par exemple les fruits, les légumes et un groupe qu'ils ont appelé les aliments protéinés, qui regroupaient la viande, tous les types de viande, pardon, des poissons et aussi tout ce qui est charcuterie, saucisses, etc. Les aliments des groupes produits laitiers, des produits à base de céréales, mais aussi les snacks, par exemple les desserts, croustilles, crème glacée, biscuits, eux, ils n'étaient pas influencés par la génétique, mais seulement par l'environnement alimentaire offert par les parents. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être aussi le fait que les enfants reproduisent les préférences de leurs parents ? Alors oui, c'est une hypothèse que les chercheurs ils soulèvent dans la discussion de leurs travaux. Et en fait, ils indiquent que cette influence, elle serait quand même minime, notamment par rapport à ce qui a été aussi publié avant sur le sujet. Et ce qui serait ce qui aurait une plus grande influence, ce serait par exemple les médias, donc télévision, etc. Ou alors l'influence aussi des pairs, donc les personnes qu'on fréquente au quotidien, quand on va à l'école, nos études, nos milieux professionnels, quand on parle plus de l'âge adulte, et aussi d'autres activités. Et en fait, donc ces aspects culturels extérieurs, ils auraient un plus grand effet sur les préférences alimentaires que juste le modèle parental pour les enfants. Donc ça voudrait dire que finalement les parents n'ont pas tant d'influence que ça sur les préférences alimentaires de leurs enfants. Alors en fait il est certain quand même que les parents ils ont un pouvoir sur les préférences alimentaires de leurs enfants et c'est ce que les auteurs de cette étude essayent de diffuser suite à leurs résultats. Donc ils ont par exemple utilisé une expression imagée que je trouve intéressante. Ils disent que les parents sont les architectes de l'environnement, sous-entendu l'environnement alimentaire des jeunes enfants. J'ajouterai que comme tout architecte, ils doivent tenir compte de certaines contraintes techniques et de facteurs spécifiques comme la génétique, qui est par exemple une contrainte biologique à la construction de l'environnement des enfants. Donc, les professionnels de la santé, ils s'accordent à dire que les parents ont le droit de repérer les préférences alimentaires de leurs enfants, mais ils doivent aussi veiller quand même à leur fournir des aliments variés et à les éduquer au mieux pour qu'ils consomment, par exemple, des fruits et légumes, qui sont des aliments qui sont vivement recommandés, et aussi de limiter la disponibilité de certains aliments, notamment ceux qui sont dits à haute densité énergétique, donc des aliments riches en gras, sucre, comme biscuits et autres produits transformés industriellement. En dehors de l'environnement alimentaire et des facteurs génétiques, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui influencent les préférences alimentaires? En fait, est-ce qu'on peut parler parfois du goût inné pour le sucre, par exemple? Ouais, alors ça, c'est un exemple. Le goût, ce qui est un exemple, pardon, de goût qui est soumis à des réflexes innés, des réflexes qu'on dit innés, c'est-à-dire acquis dès la naissance. Ils sont toujours à l'étude, ces réflexes innés pour le goût. C'est un phénomène, en fait, qu'on a observé dans plusieurs espèces de mammifères, dont l'humain. Et en fait, on voit donc une attirance dès le plus jeune âge vers les aliments du goût sucré, alors que les aliments qui présentent d'autres goûts sont rejetés. Donc le sucre, on sait qu'il fournit les glucides, c'est un nutriment essentiel à notre organisme pour la survie. Donc le goût inné du sucre, serait un réflexe de survie. Il semble aussi que relié en fait à ce goût inné pour le sucre à certains facteurs génétiques, donc qui sont à l'étude comme je vous le disais. Et donc on revient vers cette hypothèse de la génétique qui influence les préférences alimentaires. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors pour conclure, on a vu donc les comportements alimentaires, ils sont influencés par un ensemble de facteurs complexes, à la fois génétiques, mais aussi sociologiques. Donc pour ce qui est notamment l'environnement alimentaire des parents est un exemple. Puis on sait aussi qu'il y a de nombreux facteurs psychologiques qui ont déjà été détaillés dans d'autres chroniques de cette émission, qu'on n'a pas évoqué ici. Donc les préférences alimentaires, c'est un domaine d'étude qui est particulièrement prometteur, notamment étudié sous l'angle de la génétique. Donc une question que je vous pose me pose à la suite de cette chronique, c'est au rythme où progresse la recherche en génétique, peut-on espérer que les chercheurs puissent nous servir bientôt la carte génétique de notre gourmandise? Eh bien, ce sera à voir éventuellement. Alors merci beaucoup Benjamin, c'était vraiment très très intéressant. Alors on va partir en musique et au retour, on vous parle de tremblements essentiels avec le professeur Frédéric Calon. Alors, restez sur CKRL au 89,1.